Je roule à 70 km/h. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.